Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. À la fin de l'année 1977 et au début de l'année 1978, Alain Cavalier réalise à quelques mois d'écart deux films qui marquent une rupture dans son parcours de cinéaste. Martin et Léa, l'histoire d'une rencontre amoureuse interprétée par un vrai couple dans la vie, et Ce répondeur ne prend pas de message, tourné en une semaine dans son appartement, en 16 mm. À propos de ce dernier, dans le livret qu'il a rédigé à l'occasion de la sortie du film en DVD en 2005, le cinéaste écrivait « C'est le sujet le plus simple et le plus cinématographique que j'ai trouvé, la venue progressive de la nuit. » Le 4 février 1979 sur France Culture, il était l'invité de Claude-Jean Philippe dans son émission Le cinéma des cinéastes et racontait de quelle façon ces deux films étaient nés. Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts. Ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes sont les acteurs, les actrices. Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné. Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné, ni cinéma, mais cinématographe. Aussi, mon Dieu, faut-il avoir du goût. Alain Cavalier, lorsqu'on regarde votre filmographie, on voit 1962, Le combat dans l'île, 1964, L'insoumis, 1967, Mise à sac, 1968, La chamade, c'est-à-dire que à peu près un film tous les 2-3 ans, et puis brusquement un trou de 68-75, un trou quand même relativement important, Le plein de super, et puis brusquement un film, deux films, Martin et Léa, 78, et Ce répondeur ne prend pas de message. Alors, est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé entre 68 et 75? Bah, je sais pas, c'est peut-être la magie du cinéma qui, pour moi, avait baissé, sans doute, et que je voulais pas faire pour les autres ce à quoi je croyais moins, peut-être. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire que je suis arrivé au cinéma par, je veux dire, quand j'étais adolescent, par la magie de ce que je voyais, et peut-être qu'au fil du temps, de mon temps à moi, cette magie s'est petit à petit décomposée, est arrivé à un point de rupture qui date effectivement pour moi de 69-70. Ce que je voyais dans les salles ne me distrayait plus, je devenais un mauvais spectateur, donc j'étais sur le point de devenir un mauvais réalisateur. Alors j'ai traversé un désert pendant un certain temps, à mettre les choses à plat et à essayer de voir ce que je pouvais refaire pour retrouver le plaisir de filmer et surtout pour savoir quoi filmer. Quand même, d'un point de vue d'un spectateur, je vous donne tout de suite, puisque vos films ont un ton tellement personnel que je suis contraint moi aussi de prendre le même ton personnel, j'avoue que pour vos premiers films, t'es très loin d'être enthousiaste. Je reconnaissais les qualités, entre guillemets. Oui. Et lorsqu'on m'a demandé de voir Martin et Léa, chargé de presse comme d'habitude, bon, j'y étais un peu comme ça, enfin je veux dire en disant par conscience professionnelle. Et j'ai été complètement stupéfait de découvrir un autre cinéaste. Si vous permettez, je vais lire votre dossier de presse, qui est extraordinairement succinct et qui situe bien les choses. Il s'agit d'un film que malheureusement on ne verra pas tout de suite. Vous pouvez voir en ce moment Martin et Léa d'Alain Cavalier, mais il faut savoir que dans le même temps, Alain Cavalier a fait un autre film qui est Ce répondeur ne prend pas de message. Avant-propos. Le film a été tourné en 7 jours, d'un trait. Il n'a pas été monté. La pellicule impressionnée a exactement le même métrage que celle projetée. Chaque plan a été filmé une seule fois et dans l'ordre chronologique. Il fallait supprimer les intermédiaires, scénario, montage, sonorisation, mixage, entre l'idée cinématographique et sa réalisation définitive. C'est une façon de faire particulière au film et différente de la vidéo. La pellicule a été développée en bloc seulement à la fin du tournage. Il n'y a pas eu de vérification quotidienne par projection de rush. C'est un film sans rature. Il fallait essayer de fabriquer un cinéma immédiat. Il y avait urgence de toutes parts. Et le résumé est encore plus succinct. Un homme à la tête malade. Il mélange les visages, les voix, les objets. C'est ce qu'on peut croire. En réalité, il voit si clair qu'il brûle tout. Bon, cet homme, c'est un peu vous, Alain Cavalier. D'ailleurs, dans le film, on voit effectivement un homme dans un appartement qui passe dans toutes les pièces, qui interroge un passé, tout ce qui lui reste de quelqu'un, manifestement. Qui fait le vide, je crois. Qui fait le vide, mais qui... Oui, c'est ça, qui fait le vide et qui interroge aussi des objets autour de lui. Je veux dire, ça va de la casserole aux conduites d'eau, et puis se met à peindre en noir... au point même que tout le décor devient noir, enfin je résume à ma façon. Oui, c'est parfait. Et qu'une chaise qu'on l'a vue briser à un certain moment par petits bouts, de manière à avoir les éclats du bois dans la bande sonore, cette chaise, à la fin du film, éclaire l'image puisqu'il y met le feu. Il brûle tout. Je voudrais savoir, cet homme qui est en arrivé au point, qui voit si clair et qu'il brûle tout. Moi, c'est cette expérience un peu, qui est presque d'ordre intérieur, comment dire. Oui, si je peux me permettre, juste avant, pour bien décrire, il commence par peindre des taches de lumière. C'est-à-dire que le soleil arrive dans cette pièce par la fenêtre et fait une sorte de marque, une sorte de cicatrice au sol, de soleil donc, et qu'il commence à peindre en noir cette pièce, par les taches de lumière. Et puis petit à petit, il peint tout et il finit par la fenêtre, c'est-à-dire les vitres de la fenêtre, dans lesquelles il laisse un dernier petit carré. Il prend bien le temps de regarder à travers, si sans doute ça vaut la peine de regarder à travers. Et puis il finit, tout est noir, et quand il est dans cette espèce de corps noir, de trou noir, il met le feu à sa chaise. Nous avons beaucoup parlé qu'Alain Cavalier, maintenant c'est un peu à vous, encore que si le dossier de presse est peut-être tellement succinct, c'est que vous n'avez pas grand-chose à dire peut-être sur ce film. Si, j'ai quelque chose à dire sur la fabrication, parce que je veux dire les commentaires que je peux faire après, je ne les faisais pas avant de tourner, puisque j'ai pris la décision de faire ce film à la suite d'une sieste où j'avais entrevu dans un demi-sommeil que je peignais mon appartement en noir. Je me suis dit, j'ai eu un réflexe de cinéaste, je me suis dit, c'est un geste de cinéaste, il faut que tu le fasses le plus rapidement possible, ça doit avoir un sens caché, mais ne le cherche pas. Et j'ai essayé de trouver de l'argent le plus tôt possible, j'ai pas voulu que ça soit une production, que ça soit très simplifié. On a fait ce film, j'ai trouvé 2 millions, on a commencé à travailler, il n'y avait rien. Ni papier, ni scénario, ni écriture, il n'y avait rien. Il y avait simplement une table... avec des photographies ayant trait, je veux dire, à la personne qui figure dans ce film, qui est moi, mais comme je suis entouré d'une bande, ce n'est pas moi non plus, je veux dire, c'est moi et pas moi, en fait. Je ne pouvais pas figurer, moi, il n'en était pas question une seconde. Et on a commencé à travailler avec l'ingénieur du son et l'opérateur. Et on a travaillé pendant 7 jours complètement à l'instinct. C'est-à-dire, on tournait un plan... Et puis on attendait qu'une autre image se lève après. Et dès qu'elle était levée dans la tête... Dans votre tête ou bien dans la tête? C'était dans la mienne, mais ils me renvoyaient tous les deux quand même. Je veux dire, je sentais qu'ils m'aidaient quand même. Ils me chargeaient, en fait. Comme je les connais très bien. Je veux dire, seul, j'aurais jamais pu faire ça, seul. Et c'était tourné immédiatement, sans penser à celle qui précédait et sans penser à celle qui allait suivre. De telle façon de reconstituer un monde, je dirais presque mental, immédiat, et pas comme tous les films qu'on peut voir ou que moi j'ai fait, du moins, qui sont des mondes complètement revisités par la chronologie ou la déchronologie ou la réflexion, je veux dire, qui ont un autre étage en plus d'intelligence et de réflexion. Là, ça a été une matière brute, un geste cinématographique immédiat qui s'est construit petit à petit comme ça. Et la fin que vous racontez n'était absolument pas prévue avec le feu, la chaise non plus. Alors, on a cassé la chaise, et puis les morceaux de bois sont restés dans un coin de la pièce. Et puis, quand la fin est arrivée, tout d'un coup, le regard est tombé sur ce petit tas de bois et qui, évidemment, figurait un feu. Et l'idée est venue, peut-être, je ne sais pas, c'était pour échapper peut-être à la nuit complète. C'est des choses complètement, je veux dire, inracontables, en fait. Et j'ai fait flamber, j'ai construit un petit feu comme ça avec des vieux journaux que j'avais, et on a fait des journaux de l'occupation, d'ailleurs, que j'avais conservés et que j'ai brûlés. Voilà, c'est ça que je voulais obtenir, c'était quelque chose d'immédiat. Puis j'avais quelque chose à expulser, je le savais aussi, et il fallait que le cinéma m'aide à m'en débarrasser. Ça, c'était très important. Et il l'a fait ? Je le saurai plus tard, je veux dire. Pour l'instant, je n'en ressens pas les effets, mais je suis sûr que j'aurais mis le poids à côté. Et puis, il y avait une troisième chose qui m'a rendu, je veux dire, presque léger pendant le tournage, malgré les difficultés, je veux dire, profondes que je vivais pendant ce travail, c'était que ce n'était pas destiné à la communication. C'est-à-dire que j'avais prévenu tout le monde, ça va coûter 2 millions, c'est fait comme ça. En principe, personne ne le verra jamais. Et moi-même, je ne le verrai pas, ça ne m'intéresse pas excessivement de le voir après. Et puis, je le termine, il n'y a pas eu de mixage, pas de montage évidemment, puisque les bobineaux de 16 mm sont collés simplement les uns derrière les autres, le son est synchrone, il a fallu simplement coller les bobines les unes derrière les autres. Alors là, je vous arrête parce qu'il y a, pour quelqu'un qui aime le cinéma très profondément, il y a un rêve réalisé qui est celui de la projection de Rush. Ceux qui nous écoutent ne le savent pas, mais quand nous voyons nos Rush, quand les cinéastes voient leurs Rush, eh ben, il y a des images blanches à la fin des plans. Et puis si on reprend un autre plan, il y a une nouvelle image blanche. Et bon, et il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, d'ailleurs je me suis retourné vers Caroline à ce moment-là, par la force, brusquement à un certain moment, vous filmez une casserole. Dans l'axe, c'est-à-dire en face de la cuisinière, et raccordant l'axe exactement. Et raccordant l'axe avec l'image blanche, quoi, c'est avec simplement l'image blanche, et on a un effet de rush qui est d'une force cinématographique saisissante, parce que généralement on coupe ces images blanches et on s'arrange pour raccorder dans un autre axe ou dans une grosseur de plan très très différente, de manière à créer l'illusion comme ça d'une avancée. D'un continu. Alors que là, il y a discontinuité, mais qui donne, quand on voit le film, un sentiment de continuité beaucoup plus fort, beaucoup plus profond. C'était simplement une parenthèse pour bien indiquer ce que ce système que vous décrivez de tournage peut apporter, enfin, comme force à un film, parce que c'est un film très fort. Alors, la question de Caroline, j'ai lu l'avant-propos et le résumé du film. La question de Caroline sur la chose que vous aviez besoin d'expulser, eh bien vous l'écrivez vous-même, c'est un extrait de la bande sonore. L'extrait de la bande sonore dit, elle écrivait, deux points, ouvrez les guillemets, « Il est 11h40, j'ai pris un fénergant et bu du vin. Je n'ai pas bien travaillé. Ce soir, j'avais trop sommeil. Ce problème me tracasse. Dormir. De toute façon, en ce moment, je ne suis pas très bien dans ma peau. Ça tombe mal, mais c'est comme ça. Si je savais que tu tiens terriblement à moi, peut-être cela me donnerait-il un sens de la responsabilité vis-à-vis de toi. Mais je ne l'ai pas, puisque je ne suis pas sûr, puisque je ne sais pas. Alors ça me rend kamikaze. Je ne sais pas comment ça s'écrit. Peut-être raterai-je mon existence entière à cause de cela. Non, je ne la raterai pas, ou alors je mourrai. » Donc, Alain Cavalier, aussi bien dans le film que dans le dossier de presse, elle ne porte pas de nom, c'est elle écrivait. On ne sait pas, vous ne précisez pas qui elle est. Il y a cinq visages qui écrivent et qui parlent. L'un, évidemment, le film l'indique très précisément, a un destin tragique, meurt dans un accident d'automobile, mais on ne sait pas auquel des visages ça arrive. Parce que ça n'a pas une importance formidable, parce qu'à partir du moment où il y en a un qui disparaît, les autres deviennent très fragiles. Donc il ne faut pas que l'émotion se fixe sur une seule personne, elle se fixe sur tout. l'univers affectif, surtout tous les rapports avec toutes les personnes chères. Enfin, grosso modo, c'est comme ça que j'essaye de l'expliquer maintenant, mais je l'ai fait en ne le sachant pas, en fait. Non, mais c'est ce qui donne à votre film toute sa force, je veux dire. Voilà. C'est le fait de ne pas savoir. Il y avait urgence, de toutes parts. Mais en même temps, je suis cinéaste, je devais avoir une conscience quand même que petit à petit, les plans s'accumulant les uns derrière les autres, ça allait vers quelque chose quand même. C'est-à-dire, je ne pense pas que j'aurais pu faire ça si ça avait été mon premier film. Voilà ce que je pense maintenant. Vous pensez ça? Oui. Oui, mais ça, curieusement, ça a le goût. Le goût est un mot un petit peu. Ça a le goût d'un premier film. Ça a quelque chose de premier. Alors, il y a le côté brut, le côté matière première du cinéma qui est en cause. Mais ça a quelque chose de très... Ben, c'est peut-être mon premier film aussi. J'en sais rien. Bon, enfin, non, c'est une blague, ça. C'est une blague. Ben, moi, je pense pas que ce soit vraiment une blague. Enfin, alors, de toute façon, tous les films qu'on fait sont premiers, sinon, on n'entendrait pas. Enfin, il y a bien quelque chose qui s'est passé doublement, et c'est ça, c'est un peu le sujet véritable de notre émission d'aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose dans votre vie, il s'est passé quelque chose dans votre métier de cinéaste, Alain Cavalier, enfin, dans votre art de cinéaste, qui a fait que vous avez changé. Je crois pas que j'ai changé. C'est-à-dire, il devait y avoir une petite partie de moi-même cachée, pas éclairée, qui, à la suite d'événements qui sont d'ordre personnel ou d'ordre, je veux dire, cinématographique ou d'ordre historique, c'est-à-dire, tu découvres une petite chambre secrète qui, peut-être, tout d'un coup, s'est ouverte. Mais je n'appelle pas ça un changement. J'appelle ça simplement, je veux dire, une découverte de moi-même à travers, je veux dire, le cinéma. Bien. Alors, il y a quelque chose que vous avez dit tout à l'heure et que j'ai relevé, pas dans l'instant, mais que je relève maintenant. Vous dites, quand je tournais, je ne pensais pas du tout à la communication. Je ne pensais pas, 2 millions, c'est pas beaucoup pour un film. Je pensais pas qu'on le verrait. Je me préoccupais pas de savoir s'il serait diffusé. Or, les rares personnes qui ont vu ce film ont été très bouleversées par ce film, très impressionnées. Et c'est un film qui est appelé à sortir et peut-être à rencontrer d'autres gens, des gens que vous ne connaissez pas du tout, enfin un public. Et est-ce que, en allant au bout de quelque chose, d'une expérience personnelle, est-ce que vous n'avez pas le sentiment maintenant d'avoir touché, et c'est d'ailleurs une façon de passer à Martin et Léa, d'avoir touché quelque chose de plus général et qui serait le temps que nous vivons aujourd'hui? Je ne suis pas tout à fait de votre avis dans le sens que ça pouvait très bien être invisible et inaudible. Ça pouvait très très bien. Il y a eu une espèce d'équilibre ou de, je ne sais pas, cette démarche un peu pataude a fini par produire, je veux dire, une ligne. Mais, je veux dire, je ne sais pas, c'est le hasard et pas, je veux dire, ni ma qualité, ni quoi que ce soit, je veux dire, qui a un petit peu manipulé ça. Parce que vous puissiez, disons, l'apprécier, n'était pas du tout programmé dans l'entreprise. C'est peut-être ça qui est appréciable après coup, oui. Mais ça ne dépend absolument pas de moi. Je veux dire, vis-à-vis de ce film, j'aurais eu la même attitude s'il n'était pas sorti et s'il était resté dans un tiroir. Oui, mais... Pour revenir à ce bouleversement, Claude, je trouve le mot, sinon faux, en tout cas trop vague, parce que c'est vrai que c'est un film qui ne communique pas. Nous nous sommes très peu parlé en sortant. Nous n'avions pas ce désir d'échanger, ou cette espèce plutôt de rapport à l'identification au sens large qu'on a quand on sort d'un film avec des personnages par rapport auxquels on a eu un certain nombre de pulsions, de sensations, de rapports esthétiques ou affectifs ou je ne sais quoi. Là, il y a une série de chocs de l'ordre de l'électrochoc, absolument, alors que c'est vous qui produisez des électrochocs. Vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas... Très bien, oui. Oui, ça envoie des pulsions qui ne on ne me renvoie pas à un langage, je veux dire, cohérent en voyant ça. En principe, non. Puisque moi, je n'aimais pas un langage cohérent, donc on ne peut pas me répondre d'une façon cohérente. Je présente une espèce de chaos qui se termine par, je veux dire, le noir, d'abord le blanc, ensuite le noir, c'est-à-dire pratiquement l'immobilité, le silence et le noir. Donc qu'est-ce que quelqu'un peut me renvoyer, en fait? Je ne sais pas. Sinon, décrire ce que nous avons fait, ce qui est très indicatif, décrire très précisément. Alors, il peint la tache de lumière et alors il laisse. Et la description, On sait cette fameuse phrase qu'on a dans la lettre qui nous a été écrite sur le modèle. D'un auditeur, oui. Une phrase de Rimbaud qui dit « Et maintenant, on ne représentera plus rien. On installera juste des formes, des lignes, des couleurs dans un écran. » Et le cinéma n'existait pas, mais curieusement, c'est du cinéma qui parle. Puis je crois que, je veux dire, c'est des choses très, très particulières dans la vie d'Assidès. C'est-à-dire que vous faites ça parce que vous êtes complètement poussé au rein. Je veux dire, vous ne pouvez pas faire autrement que de le faire. Mais généralement, on écrit quand on est... Oui, généralement, on écrit. Les gens font des petits poèmes ou des petits trucs ou des petits machins. Et puis, ça leur fait du bien, quoi. Ça les détend. Ça leur... Allez, on est purgé. Et moi, j'ai essayé de faire ça en tant que, je veux dire, avec de la pellicule et avec du son, quoi. Oui, mais c'est-à-dire avec la pellicule et du son, mais avec un décor d'appartement, avec des choses qui rendent des sons, des bois, des matières, des tuyauteries, la présence du son non mixé dans votre film est d'une chose incroyable de force concrète. C'est-à-dire que votre pellicule et votre son, on peut dire qu'ils sont utilisés au maximum de leur pouvoir d'intensité concrète. Il y avait des choses drôles parce qu'on était complètement plongé, du moins moi, dans cette espèce d'univers un peu bizarre. Et on avait des conversations, quelquefois, sur des petits détails de son, comme ça, de fourmis. On disait, mais non, c'est pas bien ça, il faut que tu te mettes un peu plus loin. Il y a une espèce de mélange, je veux dire, j'étais dans le brouillard, et puis en même temps, il y avait des petits réflexes de cinéaste, d'une précision d'artisan absolument incroyable. Non. Et comme les plans commençaient, c'était l'opérateur qui appuyait, et c'était lui qui appuyait sur la fin. Et comme moi, j'étais devant la caméra, avec mon masque blanc, il y a un moment où je me disais, oh, il faudrait que ce plan s'arrête. Ça, c'est trop long, mais je ne pouvais pas lui faire signe, de couper puisque j'étais à l'intérieur de l'image. Et ça, c'est une sensation qui est à la fois comique mais complètement tragique en même temps. Alors je continuais à peindre, quelquefois je n'y étais plus et je n'entendais pas la caméra s'arrêter. Alors je sortais du champ quelquefois quand je pensais que j'avais épuisé moi ce que j'avais à faire et à dire dans le plan et à mâchouiller dans le plan. Je quittais le champ, et à ce moment-là, il coupait. Mais c'est un type merveilleux. Il coupait juste là où il fallait le faire. C'est-à-dire, ou quand il sortait du champ, ou quand il était sorti depuis une seconde. C'est-à-dire qu'il avait un réflexe merveilleux. Oui, mais c'est effectivement ça qui rythme le film. C'est vos sorties de champ. Maintenant, quand j'y repense, et que vous me le dites, c'est vos sorties de... Parce qu'on sent bien que la sortie de champ, elle produit soit d'une fatigue, soit d'un... Oui, d'une fatigue de l'invention. D'une redescente de l'invention, de l'état, je veux dire, de l'état pour lequel le plan était fait, je veux dire, du sentiment, de l'émotion du plan. Tout d'un coup, elle se dissout, et alors il faut que le plan s'arrête. L'événement s'arrête, du moins, pas le plan, l'événement, disons. Et ça rythme le film. Et ça rythme le film alors, étrangement. Ça fait qu'il y a des trucs comme ça, il y a des trucs un peu serrés, je sais pas, ça se balade comme ça. Oui, alors donc le plan retrouve bien sa vraie nature de fragment, quoi, de fragment de pellicule. Oui, de fragment. De temps. Bien fermé sur lui-même. C'est ça. Et ça, dans Martin Elia, j'ai fait attention aussi, c'est-à-dire que c'est des successions de petits mondes clos, enfin clos à l'échelle de l'image et du son, et sans fausse continuité, avec une construction basée entièrement sur l'image et le son qui lui appartient, serré contre l'image. Et chaque plan en soi existe, presque indépendamment des autres. Il y a une phrase de vous dans le dossier de presse. Alors là, on passe à un autre dossier de presse, puisqu'on passe à un autre film qui est Martin et Léa. Je vous cite. « Recherche d'un cinéma qui appartienne comme la toile au peintre, à ceux qui se retrouvent le matin devant une caméra et un magnétophone et qui s'interrogent, comment faire bien ce que nous avons à faire aujourd'hui? Pouvons-nous aller plus loin qu'hier? Quel contact établir avec ceux qui regarderont et entendront après? » Donc là, il s'agit plus de la toile qu'on fait pour soi et qu'on peut peut-être retourner contre le mur de l'atelier éventuellement, mais il s'agit bien de la toile, disons Martin et Léa, qui est un film, alors lui, il fait comme les autres films, avec des acteurs et une histoire, et qui est destiné à un public. Martin Léa était... Absolument. Bon, alors, Alain Cavalier, quand même une question importante, je ne connais pas la réponse, c'est Martin Léa a été fait avant ou après Ce répondeur ne prend pas de message? Il a été fait avant. Il a été fait avant. C'est-à-dire qu'il y a eu Martin Léa qui a été terminé fin 67. 77. 77. Et le répondeur qui a été fait début 78. Bien. Alors, alors pour Martin Elia, j'ai plein de questions. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est, totalement singulier. Les personnages me paraissent singuliers. L'histoire racontée me paraît totalement singulière. Et je l'aime beaucoup à cause d'un équilibre que je n'arrive pas d'ailleurs très bien à formuler entre comme un sentiment tragique très, très, très fort et en même temps, comment dire, une ironie, un humour, je n'en sais rien. Je vais prendre un exemple dans le film, si vous voulez bien, qui pour moi est vraiment le centre du film. Il s'agit de quelqu'un qui est mort, une jeune femme, qui s'est suicidée, et qui est mort à l'issue d'un jeu bizarre entre des personnages. Il y a Martin et Léa qui s'aiment, mais Léa est une sorte d'entremetteuse amateur qui propose à un autre personnage nommé Lucien, c'est bien ça, arrêtez-moi si je me trompe, qui propose à un homme nommé Lucien des jeunes femmes de ses amis pour satisfaire ses fantaisies érotiques. Bon, l'une d'entre elles, au bout d'un certain temps, ne supporte pas cette situation. Oui, cette humiliation. Cette humiliation, et se tue. Il se trouve que Martin est manutentionnaire pour gagner sa vie, mais que par ailleurs il prend des leçons de musique, des leçons de chant, pour devenir chanteur d'opéra. Et que le soir du deuil, enfin où les gens sont autour du cercueil où se trouve la jeune femme, il chante. Et que c'est là que je vois apparaître l'émotion du film, enfin pas la clé du film, mais c'est là que je vois apparaître au maximum ce que j'ai éprouvé dans l'ensemble du film, à savoir que ce chant est à fois quelque chose d'un peu dérisoire, mais en même temps quelque chose d'autant plus beau et apaisant et lyrique. Voilà. Moi, je voudrais savoir, donc, à partir de l'émotion que j'ai ressentie devant ce film, et vous voyez bien à quel point je patauge moi-même, d'une certaine façon. Non, vous le racontez très très bien, je trouve. Bon, enfin, d'accord. Mais factuellement, c'est parfait. Bon, oui, mais alors moi, je voudrais savoir d'où Martin et Léa a surgi dans votre tête, d'abord. Si, c'est très simple. Il y a un moment où je me suis dit, les cinéastes ne vont pas rester dans leur chambre à écrire des histoires avec ce qu'on appelle des personnages ou des rôles et aller les proposer aux comédiens qui sont libres pour les interpréter. Moi, j'ai un peu renversé le problème. C'est que je regarde les gens qui m'entourent et puis je me dis, tiens, celui-là, il me plaît, celle-là, elle m'intéresse et j'ai envie de la filmer, ou de le filmer, ou de les filmer. Et c'est ce qui est arrivé avec Xavier Samercari et Isabelle Haut, qui sont un couple dans la vie, que je connais très bien, que, je veux dire, j'adore regarder, que j'ai envie de valoriser avec un magnétophone et une caméra, que j'ai envie de filmer, dont j'aime le rythme, dont j'aime les sons de voix, je les aime, d'une certaine façon. J'entends bien. Oui, mais comme un peintre aime ses modèles. Peut-être, oui, mais enfin, c'est plus que des modèles, puisque on se voit, on met des petits bouts de scène les unes derrière les autres, on se dit, tiens, si on faisait ça, puis on construit ça petit à petit, puis ça dure pendant 4, 5 ou 6 mois. Et puis un jour, on arrive au tournage sans que, je veux dire, avant et pendant, ça fasse un choc, comme ça arrive tout le temps quand on travaille avec des comédiens. Je veux dire, ils arrivent, ils sortent d'un film, ils arrivent dans un autre. Vous les recevez déjà, un petit peu épuisés ou trop ardents ou je ne sais pas. Est-ce que là, c'était véritablement, c'est un problème de communication entre nous, c'est un problème de compagnonnage, c'est un problème d'efficacité. Et puis quand ils se mettent à parler, les paroles appartiennent à leur corps, ils ne disent pas autre chose que ce qu'ils sont eux-mêmes, pas dans la vie, parce que c'est pas un film, autobiographique ou réaliste, mais il y a une telle osmose entre le film et eux que, je ne sais pas, on obtient ce que j'appelle, moi, dans ce film, une certaine sérénité. Donc, ce que je veux dire dans sérénité, c'est une espèce d'équilibre entre le tragique et l'humour, en fait. Il y avait déjà un peu ça dans le plein de Super. Et il y avait déjà un peu ça dans le plein de Super, mais le plein de Super avait quelque chose peut-être d'incomplet, étant donné qu'il s'agissait de quatre jeunes gens, d'une grande vitalité, d'une grande force qui tirait le film chacun comme ça. Alors c'était un petit peu cacophonique, disons. Alors que celui-là est quand même sur un couple, sur la construction d'un couple jusqu'à son premier moment d'équilibre entre la rencontre et le premier moment d'équilibre. Et il y a, du fait certainement de la présence d'une femme, il y a le monde est plus rond et plus couvert, disons, par le film que dans le plein de Super. Bien, alors cette histoire, elle leur est venue, elle vous est venue comment, cette histoire? Martin et Léa, bon, vous avez parlé des, vous avez cité les noms des deux comédiens. Oui. Isabelle O. Isabelle O et Xavier Saint-Macary. Voilà. Alors, ça leur est venu comment? Ça vous est venu comment ensemble? Vous parlez de l'écriture. Alain Cavalier. Non, mais l'idée même de prendre une Vietnamienne qui a un père dans une boutique. Je veux dire, de son côté, comme elle est eurasienne, donc elle a un père qui est vietnamien. Et lui, étant donné qu'il a passé 2 ans au conservatoire de musique à Paris, donc je veux dire, on va parler du chant et on va parler au milieu de ça d'une trajectoire amoureuse difficile, déséquilibrée au départ et qui finit par s'équilibrer à la fin du film. Et là-dessus, on a greffé toute une série de petites fictions, de petits tableaux, d'observations ou imaginaires qui nous ont permis de construire plus moi tout mon étage, qui est un étage un tout petit peu particulier, c'est l'étage des rapports d'argent, des rapports de force, les difficultés, les cassures de la vie. Ça, c'est votre part personnelle, Alain Cavalier. Plus ma part, oui. Ça. C'est plus ma part. Parce que eux ont une espèce de... Je veux dire, c'est ça qui est intéressant de filmer des gens qu'on aime et qu'on ressent et qu'on comprend. C'est qu'il y a une telle énergie qui se dégage de ces têtes, de ces corps. Et que moi, j'ai essayé de montrer en supprimant toute la décoration, les décors. C'est vraiment des corps et des têtes sur des fonds relativement, disons, neutres. Ça manque presque, je dirais, d'ombre un petit peu. Mais dans la vie, est-ce qu'ils s'aiment? Oui, ils vivent ensemble et ils s'adorent. Mais ça, ça n'a, je veux dire... J'adore Claude parce qu'il est il est complètement sous le coup. Vous voyez, Claude, l'instinct que j'avais eu, j'avais dit, mais ces deux personnages, et puis tout le reste, moi, je dois dire personnellement, je ne comprends pas les autres personnages. Je trouve que ces deux personnages ont une existence quasiment essentielle, et les autres, je ne comprends pas les autres personnages. Je suis restée à l'extérieur. Et Claude, pas du tout. Et sa surprise vient certainement du fait que... Que vous racontez. Ah oui, non, moi j'aime beaucoup le professeur de chant. Il est formidable. J'aime beaucoup le père asiatique, le père vietnamien. J'aime beaucoup ces filles qui apparaissent et puis qui disparaissent. Moi j'aime beaucoup le mouvement autour des deux personnages. Et j'aime beaucoup ce qui se dégage. Par exemple, il y a une soirée à un certain moment, on ne sait pas s'il va rester avec elle, parce qu'il y a d'autres, et que les choses se mélangent, et qu'on ne sait plus qui est avec qui, comme dans beaucoup de soirées aujourd'hui. J'aime beaucoup la façon dont vous avez traduit le climat de cette nuit, avec des gens qui boivent, qui parlent, qui sont d'une certaine façon vautrés plus qu'assis. Ça, c'est une toute petite séquence, elle doit faire 2 minutes à peu près. Oui, mais je ne sais pas, elle a laissé une trace dans ma tête. Non, mais ça, c'est le dialogue entre Caroline et moi. Je veux dire que Caroline voit bien l'importance des deux personnages centraux. D'ailleurs, si le film s'appelle Martin et Léa, ce n'est pas pour rien, puisque il s'agit bien de leur couple et que c'est fondamental dans le film. Mais moi, j'ai bien senti également tout autour la mouvance des choses, quoi. Et en même temps, ce qu'elle entraîne de difficile, parce que ça pose quelques problèmes au bout d'un certain temps. Je veux dire, il y a quand même, je veux dire, la mort. Vous dites une jeune femme, c'est une jeune fille, parce qu'elle a 16-17 ans. Hein. Oui. Et que, je veux dire, cette humiliation à la suite qui l'a conduit à mourir, comment? Je veux dire, peut-être pas avec une conscience totale de sa mort, peut-être pas, je veux dire... Peut-être a-t-elle voulu simplement alerter, elle a été dépassée par les événements, entraîne ce couple. C'est une agression contre ce couple et qui est compensée d'une certaine façon par la venue d'une autre personne, c'est-à-dire d'un enfant. Il faut remplacer les trous faut les boucher. Ah, je n'avais pas compris ça non plus. Ah si, ça c'est... Mais moi je le sais, mais on peut très bien l'interpréter autrement, hein. Et je le sais très bien au fond de moi-même, mais je ne le dis pas dans le film. Je le montre, mais je ne le dis pas. Il n'y a aucune preuve de ce que je dis, là. Alain Cavalier, on approche peut-être du centre de votre recherche actuelle, à savoir, on accuse le cinéma de pessimisme fondamental, de désespérance absolue, On accuse le cinéma de tout. Alors, de complaisance, c'est pas très grave. De complaisance morbide, etc., etc., de traduire... Bon, comme si le cinéma devait avoir une fonction sociale bien définie d'entraîner les esprits... Enfin, en tout cas, il a quand même une fonction de miroir, ça, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, il est certain que tout film tourné à telle date traduit le climat d'une époque. Enfin, bon, c'était la première question, en fait. Je suis pas très sûr de ça. Traduit quelques fantasmes, mais surtout trahit peut-être aussi une époque. Ça, on ne le sait pas encore. C'est un grand débat, peut-être, qui viendra un jour. Le cinéma comme témoin de son temps. Je crois au cinéma témoin... Je veux dire, de certaines personnes, de l'état de certaines personnes, c'est-à-dire de certains cinéastes. Martin et Léa, pour vous, c'est un film contemporain, c'est un film d'aujourd'hui. C'est un film qui a été tourné aujourd'hui. Mais vous n'avez pas eu du tout d'intention de traduire d'une façon ou d'une autre Non. Je veux dire, je regardais autour de moi et c'est ça, je revendique simplement, moi, m'intéressant prodigieusement à certaines choses... mais qui ne sont pas forcément des choses de l'époque, ou qui le sont peut-être, ça, c'est complètement secondaire pour moi, et je n'envoie pas au spectateur un message, je veux dire, d'aujourd'hui, en lui disant, la vie d'aujourd'hui est comme ça. Je dis, moi, je m'intéresse à ces choses-là, peut-être que vous vous y intéresserez, vous aussi. Bon, alors, une question très bête, est-ce que c'est un film pessimiste ou un film optimiste ? Oh, je ne me pose plus ces questions-là. Moi. Parce qu'il y a une telle vitalité dans le fait de filmer, que filmer des choses tragiques ou des choses comiques, c'est la vitalité qui compte. Et dans les deux personnages, là, Martin et Léa, c'est leur prodigieuse vitalité, leur prodigieux sens de passer les barrières qui comptent, en fait. Caroline Champetier, Pierre Donadieu, il nous reste 10 minutes pour parler de l'actualité du cinéma, qui, comme à l'ordinaire, est très riche. Parce qu'il y a des films nouveaux et puis il y a des films anciens. Alors commençons bien sûr par le plus neuf, puisque c'est ce qui intéresse le plus les gens. Les films nouveaux. Or, il semblerait qu'il y ait une actualité qui nous vienne de l'Est. Hein. Caroline, il y a 2 films dont vous avez l'intention de parler. Oui, il y a 3 films de l'Est aujourd'hui. Le film de Mécha Rose, dont Pierre va parler. Moi, je vais parler du film de Kezdi Kovacs, qui a été longtemps l'assistant de Yang Cho et qui donc, visiblement, a travaillé dans cette espèce de triumvirat qu'ont été Mécha Rose, Yang Cho et Kovacs. Son film s'appelle « Quand Joseph revient ». Je crois qu'il a été réalisé maintenant, il y a quand même 4 ans. Et, attention, il y a une chose, il y a 2 Kovacs. Hein. Il y a quelqu'un qui s'appelle András Kovacs, qui est connu pour avoir réalisé un film, par exemple, qui s'appelle « Jour glacé », qui est un metteur en scène de l'ancienne génération, disons un peu plus âgé qu'Yang Cho. Lui est un jeune réalisateur, visiblement. Oui, visiblement, il doit avoir... il a 40 ans, ce type. C'est-à-dire que je ne sais pas quel âge a Yang Cho. Il a travaillé avec lui sur 5 films. Yang Cho est assez vieux, maintenant. Il doit avoir 40 ans, c'est-à-dire qu'il n'est pas très très jeune, mais en même temps, c'est un jeune cinéaste hongrois. Son film s'appelle « Quand Joseph revient ». C'est l'histoire d'un jeune homme qui part en laissant sa mère et sa toute nouvelle femme ensemble et qui navigue et donc qui part pour 6 mois, 7 mois. Et le film compte les rapports entre cette mère et cette bru qui est jouée par Lily Monory. Et ce qui est très étonnant dans ce film, c'est ce personnage de Lily Monory et à la fois la comédienne. C'est-à-dire que c'est Kovacs qui a découvert cette comédienne, qui a été utilisée après dans L2 par Martin Mécharos. Et dans Adoption aussi. Oui, absolument, jouait, dans Adoption. Et bon, elle a quelque chose de très très impressionnant. Elle a une espèce de loump-jeu, je dirais, de sous-jeu. Je trouve qu'elle est presque plus forte que Juliette Berthaud quand elle a commencé à jouer. C'est-à-dire qu'elle a ce côté complètement animal d'un jeu pas cérébral du tout, très extrêmement physique. Déjà physiquement, elle marche en dedans, elle a les ongles sales, elle a les cheveux dégueulasses. C'est une toute petite bonne femme qui fait beaucoup de grimaces quand elle joue. Et bon, qui traduit quelque chose en même temps qu'une espèce de réalité du corps, un érotisme que je trouve absolument fulgurant. Et ce qui m'étonne d'ailleurs dans ces 3 films, je vais parler maintenant du film de Daniel Jégui, c'est ce sentiment érotique très très fort. Alors est-ce que c'est parce que les gens sont moins libres? Est-ce que c'est parce qu'ils vont plus vite à l'essentiel? Est-ce que c'est parce que finalement ils ont tellement peu de champ pour exister que le désir devient ce qu'il y a de plus vivant chez eux? Curieusement, je trouve ces films parle extrêmement bien du désir et de l'érotisme. Quant au film de Daniel Jégui, il est un petit peu plus douloureux parce que... Attention, qui est Daniel Jégui ? Daniel Jégui, c'est une très jeune, c'est une jeune cinéaste dont c'est le premier film. Française ou... Je crois qu'elle a de la famille. Sa mère devait être hongroise. Elle habite en France. Je crois qu'elle est d'origine hongroise. Son film s'appelle La fille de Prague avec un sac très lourd. C'est l'histoire d'une fille qui arrive de Prague avec un énorme sac très lourd parce qu'elle ramène des choses censurées, interdites. Et en fait, ce sac, c'est tout ce qu'elle a dans la tête. D'une certaine manière, le rapport de l'interdit à l'inconscient se fait très rapidement et on comprend que cette histoire de sac, c'est rien d'autre qu'elle. D'ailleurs, à la fin du film, elle disparaît elle-même entièrement dans ce sac. Le film est douloureux parce qu'il parle trop de choses, comme beaucoup de premiers films de femmes, finalement. Mais en même temps, le personnage de la jeune femme est très, très, très crédible. Assez impressionnant de sérénité, de tristesse parce que les choses n'ont pas l'air vraiment gaies là-bas. Et en même temps, comme pour le film de Kovacs, il y a un érotisme qui se dégage de ce personnage, une sensualité, une réalité physique qui existe de moins en moins dans les films occidentaux parce que le corps est peut-être trop permissif, je sais pas. Celui-ci, c'est un film français. Oui, c'est un film français, mais qui parle de l'Est. On peut le mettre dans la catégorie des films. Oh, mais dès que ça se passe à l'Est, c'est ça déjà, effectivement, la couleur que dit... Même quand c'est un film d'origine française, hein, c'est fantastique à quel point l'Est, par ses décors... Enfin, moi, j'ai un peu voyagé en Hongrie, et c'est tout à fait curieux. C'est-à-dire qu'on est vraiment ailleurs, hein, d'une certaine façon. Et le film de Martha Mécharos, c'est vraiment pas étranger du tout à ça, au contraire. Bon, alors Martha Mécharos, c'est quelqu'un qui est venu au cinéma des cinéastes l'an dernier pour parler d'elle 2, et en même temps d'adoption avec Marina Vladi. Alors, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup ici. Alors, vas-y, Pierre. Et son dernier film sorti en France, elle a peut-être fait d'autres, mais qui ne sont pas sortis ici, s'appelle « Comme chez nous ». Et le titre hongrois, je crois, est « Comme à la maison ». Sur la copie, le sous-titre en français est « Comme à la maison ». Le titre commercial a l'air d'être « Comme chez nous ». C'est très impressionnant, d'abord sur un personnage qu'il y a dans ce film, très très étonnant. Ça commence comme pas mal de films qu'on peut voir aujourd'hui aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest, avec un mec et une femme qui ont des problèmes, ça va pas très bien. Et petit à petit, on se rend compte que la place de la femme est remplacée par une petite fille. Et c'est une petite fille qui vient complètement se mettre à la place de cette femme, qui est jouée par Anna Karina au passage. Et tout le film devient les rapports entre une petite fille et un homme, qui devient son papa, mais justement là c'est un rapport complètement érotique et c'est un rapport qu'on n'a pas vu souvent au cinéma. On a vu un petit peu ça dans le film de Wenders, Alice dans les villes, mais pas du tout de la même façon, parce que Wenders et Mécharos, ça n'a vraiment pas à voir, juste comme ça sur le thème. C'est filmé d'une façon extrêmement lente et je trouve que là la façon de filmer de Mécharos convient particulièrement bien, sur des petites choses, sur le temps qui passe, sur des petits détails. Il n'y a rien de spectaculaire jamais, mais au contraire c'est complètement fait sur cette relation vraiment. Et on la sent totalement, et alors qu'on peut pratiquement ne pas être amoureux de cette petite fille qui est complètement séduisante. Et il y a un jeu de fascination très très passionnant qui se joue dans le film, que moi j'aime vraiment beaucoup. Voilà, on retrouve bien parce que moi ce que j'ai, Martha Mécharos, je suis un des premiers à avoir vu, et puis je crois que j'étais un des premiers à voir son premier film à la sortie du laboratoire, mais qui était Cathy à l'époque, il y a 10 ans. Et moi, ce qui m'avait frappé aussi bien dans ses premiers documentaires qu'on connaît pas en France que dans la suite de ses films, c'est qu'elle a un excellent rapport de l'observation et en même temps de l'abstraction, de la façon dont elle compose, dont elle structure, dont elle géométrise les choses à la limite. Est-ce qu'on retrouve bien ça? Dans ce film, c'est complètement vrai, oui, c'est complètement ça. Parce que c'est complètement banal, quotidien, on sent vraiment très très proche des choses, mais en même temps, on sent vraiment toute une pensée des choses qui passe à travers ces petites choses qu'on nous montre. Et tout un sentiment du monde, il faut bien dire. Bien. Il y a en plus véritablement un point de vue de femme sur le monde que moi j'ai ressenti et qui n'a rien à voir avec le féminisme. Je trouve qu'il est beaucoup plus subtil que ça sur les rapports entre les gens. Ah ben non, ça, il y a une chose certaine chez Martha, c'est que c'est quelqu'un de très singulier, de très vivant et de très personnel et que donc on peut difficilement la classer dans des ismes, enfin d'aucune façon. Bien. Alors, les films dont nous ne parlons pas, je crois qu'on a vu ici tous les films importants, nous trois, tous les films importants qui sont sortis. Donc les films dont nous ne parlons pas, c'est parce que, tout bêtement, tout bonnement, nous n'avons pas envie d'en parler. C'est la règle du jeu du cinéma des cinéastes, donc nous n'en parlerons pas. Toutefois, il y a beaucoup de choses dont nous avons envie de parler, Et en particulier, il y a un cinéaste qui est Brian De Palma, qui est un peu celui que, enfin, c'est au cinéma des cinéastes qui se trouve avoir été défendu plus qu'ailleurs, hein, plus qu'au Cahiers ou ailleurs. Et son dernier film vient de sortir. Nous avons tous les trois des points de vue balancés sur ce film. Il me semble qu'il faut quand même encourager les gens à aller le voir, encore que ça va de soi. C'est un film qui va avoir beaucoup de succès compte tenu de son genre. Toutefois, ce film va nous permettre de rencontrer, enfin, ce film et d'autres films, hein, je pense à Nosferatu d'Herzog et à Nosferatu de Murnau, ce film va nous permettre de rencontrer Jean Douchet, qui n'est jamais venu au cinéma cinéaste encore, et je crois que c'est un manque pour l'émission. Il est important que Jean Douchet, qui est quelqu'un qui enseigne le cinéma, qui a fait du cinéma et qui a un mode d'analyse du cinéma tout à fait personnel, tout à fait irréductible à tout autre. Bon, alors la semaine prochaine, nous avons donc rendez-vous avec Douchet, de manière à ce que, à travers les films qui l'intéressent actuellement, je pense qu'il s'agira de Nosferatu et Fury, par exemple. Qui dit Douchet dit Romère d'une certaine façon, parce qu'ils sont amis, complices des cahiers du cinéma des années 60. Romère, c'est Perceval, qui est une sorte d'événement extraordinaire, enfin, du cinéma français. Oui, je crois qu'on peut dire que tous ici, on aime beaucoup, beaucoup Perceval, qui, moi, en tout cas, me paraît un film assez essentiel. Il est évident que nous avons pris contact avec Rick Romère parce que ça allait de soi pour qu'on parle avec lui de son film, et que lui-même a pris une position qui est d'ailleurs très voisine de celle du cinéma cinéaste en général, qui est de prendre son temps. C'est-à-dire que on va laisser passer le flot publicitaire, le flot de critiques, et on va tranquillement, avec Romère, prendre une heure avec lui pour parler de Perceval avec lui. Et on a beaucoup de choses, en tout cas. Ça fera donc 15 jours, 3 semaines. C'est dans 15 jours, 3 semaines. Donc rendez-vous la semaine prochaine avec Douchet et dans d'autres semaines avec Romère. Bien, alors, ceci dit, quand même, si je débarquais de mon train à la gare de Lyon, comme un jour j'ai débarqué en 1954 et que j'essayais de savoir ce qui se passe à Paris, tout de même, je veux dire que... Il y a des films dont nous ne parlons pas, mais il y a des films dont nous ne parlons pas assez parce que ça va de soi. C'est-à-dire que quand je regarde le programme de Télérama que j'ai sous les yeux, d'autres en Pariscope sous les yeux, je me dis tout de même, Festival Marx Brothers, Plume de Cheval, Une Nuit à l'Opéra, Les Marx au Grand Magasin, Chercheur d'Or, Monkey Business, La Soupe au Canard, pratiquement l'œuvre complète. C'est quand même assez fabuleux. Il y a une ressortie là qui passe un peu inaperçue, et je crois que c'est curieux d'ailleurs pour un film qui a eu tellement de succès public, qui est Atari, dont tu nous parlais Pierre la semaine dernière. Tu l'as revu, Atari? Pas encore, mais je vais m'y précipiter, je crois que c'est une sortie très importante. C'est le plus américain des metteurs en scène, à savoir Howard Hawks, dont on peut voir aussi en même temps Le Grand Sommeil à Paris, et je pense pas qu'on ait jamais fait de cinéma plus profondément simple. Enfin, si la simplicité est une vertu, eh bien il semblerait bien que du côté de Hawks, on est dans la simplicité, on est très près de l'absolu de la simplicité. Bien, alors, si je regarde encore mon programme, je revois les films que nous avons défendus au cinéma des cinéastes. Alors là, vous m'arrêtez si vous voulez ajouter des commentaires. Les Contes de la Lune Vague après la pluie. Sans commentaire. Sans commentaire. L'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Le Goût du Saké, qui est la deuxième révélation d'Ozu en attendant les autres, dont nous avons parlé ici avec Michel Ménil. Intérieur de Woody Allen, qui est un film qui commence à circuler un peu dans la tête des gens, et qui est tout compte fait un assez grand film, je crois. C'est vrai. Hein, oui, c'est vrai. Parce qu'il vieillit bien dans notre tête, oui. Hein, Intérieur. Bon. Ouais. La femme qui pleure de Jacques Doyon, dont nous avons parlé avec Doyon dans l'interview homérique du cinéma des cinéastes, où Jules Carlin n'arrêtait pas de rire devant un Doyon qui prétendait qu'il ne pouvait pas tenir 45 minutes. De commentaires, et en fait on aurait fait plusieurs heures avec lui éventuellement. Bon, voilà. Donc, les gens qui ont envie d'aller au cinéma peuvent aller au cinéma cette semaine, et je voudrais pas terminer cette émission sans dire que, bon, si je suis un spectateur potentiel et si j'ai une soirée à passer au cinéma, quand même ça compte, hein, si je vois trois films de Johan van der Koken en Action République, je me dis, qu'est-ce que c'est? On me dit, c'est des documentaires. Et j'ai très peur, et je n'y vais pas, et je vais voir Plume de Cheval. Mais j'ai tort. J'ai tort parce que il s'agit de films qui sont de très grandes rêveries, qui sont des exercices d'intelligence tout court et d'intelligence du cinéma tout à fait passionnantes, et qui sont des films où l'on voit, enfin le mot pensée est très souvent prononcé dans cette émission, plus que le mot esprit, je sais pas pourquoi, eh bien, on voit le cinéma, un cinéma qui est très profondément pensé, à tous ces niveaux de création et de fabrication. Et moi, je ne saurais trop inviter Et je crois que vous êtes d'accord avec moi. Ah, complètement. Alors, c'est extrêmement je ne saurais trop inviter les amis du cinéma des cinéastes à aller voir les films de Johan van der Kokkel. On peut rappeler les titres, c'est La jungle plate, Le nouvel âge glaciaire et Printemps. Plus ces courts-métrages qui passent au périph. Qui passent au périph, 8 villas du parc Montsouris. Je peux donner le téléphone si des gens veulent prendre un crayon et noter. C'est le 588-21-65. Il faut aussi voir ces courts-métrages du périph. C'était Le cinéma des cinéastes, Alain Cavalier au micro de Claude-Jean Philippe à propos de ses films Martin et Léa et Ce répondeur ne prend pas de message, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 4 février 1979. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. Just how it goes. And now those springs in the air, I don't go out anywhere. I guess it's just how it goes. The stories of all is just how it goes. The story's all been told before. I guess it's just how it goes. The story's of all